بسم الله الرحمن الرحيم سنتقول اليوم في الدرس 48 بعد 148 من الصن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى في السؤال 25 و300 بعد 1385 ما هو جهاد النساء الذي لا قتال فيه؟ Quel est le jihad de la femme dans lequel il n'y a pas de combat? Car on sait que la femme ne participe pas au jihad armé. À la base, c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Et donc, c'est quoi son djihad à elle qu'elle a à faire pour avoir, elle, sa récompense? Et c'est le hajj ainsi que la umrah. Comme dans le hadith de Aïcha, « Oumen mu'minin radiallahu anha, annaha qalat, ya Rasulallah, nara al-jihad afdol l'amal, afalanu jahidu, qala la, lakin afdol al-jihad jihadjun mabrour, rawu Bukhari. » Qu'elle est dit, « Oumen sajid Allah, nous voyons que le djihad est la meilleure des œuvres. Est-ce que nous allons pouvoir combattre ?» Il a dit non, cependant, le meilleur djihad, c'est-à-dire pour vous les femmes, c'est un hajj bien accompli. Un hajj bien accompli. Également parmi le djihad de la femme qui reste chez elle. Le djihad de la femme qui reste chez elle dans sa demeure, comme encore le Ta'ala, « Bukurna fi biyutikunna » qui est malheureusement un verset où on a l'impression qu'il est dans le Coran quand on voit beaucoup de comportements de femmes, comme si ce verset-là était une chose qui était juste mustahab ou qui était juste permise. Dans le verset, Allah Azzawajal a dit « Wakurna », c'est un verbe, un impératif. C'est-à-dire que c'est un ordre. C'est une obligation que la femme reste chez elle, sauf en cas de besoin. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une chose qui est vraiment peu respectée chez la plupart des femmes, qui ne font que sortir sans cesse pour des choses inutiles, et voire même parfois interdites. Wala azbillah. Thumma qala fi su'al as-sadis wa 20 wa 300 ba'd 1306e question. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ Est-il permis de serrer la main à une femme étrangère? On dit que cela n'est pas permis de toucher une femme étrangère. Comme dans le hadith de Ma'qil ibn Yassar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس مرأة لا تحل له. رواه الطبراني. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que l'un d'entre vous se rentre une aiguille dans la tête, cela lui est meilleur que de toucher une femme qui ne l'a pas permise. Donc là, ça concerne toutes les femmes qui sont étrangères. Il n'est pas permis de les toucher, sauf dans, par exemple, cas de darura, comme un médecin qui ausculte et qui n'y a pas le choix, sans quoi il n'est pas permis de les toucher, ni pour le serrer la main, ni pour autre. Et c'est le même lors des occasions, d'accord? Tout ce qui est cousine, tout ce qui est tante éloignée, vraiment éloigné, voir les alika, d'accord, même les voisines ou la belle-sœur, tout cela, ces femmes ne sont pas permises et cela va venir dans une question, inchallah, qui sont les femmes qui nous sont interdites, qui sont nos maharim, avec qui on peut acheter, qu'on peut toucher, celles qui ne sont pas. Cela va arriver, inchallah, dans d'autres questions. ثم قال السؤال السابع والعشرين والثلاثمائة والف مئة وثلاثة وعشرين septième question. ما حكم الخلوة بمرأة أجنبية بدون محرم؟ Mais qu'en est-il de rester seul, isolé avec une femme étrangère sans qu'elle ait son mahram avec elle? Et donc cela est haram. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, illa wa ma'azu mahram, wa la tusafir imra'atu illa ma'azu mahram. Muttafaqun alayhi. Qu'il n'est pas permis à un homme de rester seul avec une femme sans qu'elle soit en présence de son mahram. Tout comme il n'est pas permis à une femme de voyager sans qu'elle soit avec son mahram, apporté par le Bukhari. Donc la femme ne doit pas voyager non plus sans mahram, que ce soit pour talab al-ilm, que ce soit pour le hajj, que ce soit pour la umra ou autre. Cela n'est pas permis, hormis dans un cas spécifique qui est la hijra. Seule la hijra, cela est permis par l'ijma, ce qui montre l'importance et la grandeur de cette adoration, plus que le hajj, car elle peut partir faire sa hijra avec unanimité, sans mahram, pour la hijra. D'arriver au lieu où elle compte arriver, après elle se pose là, après elle ne bouge plus. Alors que le hajj, et on sait qu'il y a une divergence, et la parole authentique, c'est que cela ne lui est pas permis. Car les sahabiens ne l'ont pas fait. Et le Nabi Sallam n'a pas autorisé aux femmes de partir avec un groupe de femmes de confiance, ou des gens de confiance. Ça, ce sont des choses que des shtihad de certains ulema. Mais cela s'oppose à l'apparence du texte qui dit qu'elle ne doit pas partir sans avoir de mahram avec elle. ثم قال في سؤال الثامن وعشرين وثلاثمائة وألف من 328e question. إذا أرادت المرأة أن تسافر فما يلزمها؟ Comme on l'a dit dans la question précédente, dans la 1328e question, si la femme doit voyager, qu'est-ce qui est obligatoire? On l'a dit, c'est avoir un mahram avec elle. Taïb, avec le dalil qui a précédé. ثم قال في السؤال 29 و300 و1000 1329 question. من هم النساء المحارم؟ Maintenant, quelles sont les femmes qui nous sont yani, interdites en mariage, d'accord, dans l'absolu? Car il y a des femmes qui sont interdites de mariage dans l'absolu et d'autres qui sont interdites de mariage temporairement. D'accord, celles-ci, temporairement, ne sont pas des maharim pour nous. Elles nous sont étrangères. Seulement, le mariage n'est pas permis pour une cause particulière à un moment particulier. Là, il va parler de celles qui nous sont interdites dans l'absolu et qui nous est permis de toucher, de rester seules avec elles et réaliser les alikas. Celles qui ne nous sont pas permis de marier avec elles. Et ce sont celles qui sont citées dans Sourate An-Nisa, du verset 23 à 24. Fait qu'Allah Azza wa Jal. Donc en premier lieu, elles sont 14 femmes dans ce verset. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم vous ont été rendues interdites vos mères وبناتكم ainsi que vos filles وخواتكم ainsi que vos sœurs وعماتكم ainsi que vos tantes paternelles وخالاتكم et vos tantes maternelles وبنات الأخ c'est-à-dire les nièces طيب بنات الأخ وبنات أخت les nièces du côté du frère comme de la sœur أمهاتكم التي أرضعناكم et vos mères qui vous ont allaité les mères de lait وخواتكم من الرضاعة et vos sœurs de lait ummahatu nisaikum et vos belles-mères, d'accord, les mères de vos femmes. Wa rabbaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna falam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, ainsi que vos belles-filles, celles qui vivent avec vous, de vos femmes, c'est-à-dire que vous êtes marié avec une femme, cette femme avait déjà une fille, d'accord, donc cette fille, à partir du moment où il y a eu un rapport avec la mère, la fille devient interdite par la suite, même s'il divorce la mère, si la mère vient à mourir, la fille devient un mahram pour cet homme-là. Donc là, c'est la différence qu'il y a entre la mère. Du simple fait, par exemple, qu'on se marie avec une fille, d'accord, sa mère nous devient illicite aussitôt. Du simple fait que le acte de contrat de mariage a été fait, même s'il n'y a pas eu de rapport ou de contact, du moment où le contrat de mariage a été conclu, la mère de cette fille, c'est-à-dire la belle-mère, nous devient interdite dans l'absolu jusqu'à la mort. Même s'il n'y a pas eu de rapport avec la fille. Et par contre, si demain, on se marie avec une femme, et celle-ci a une fille, d'accord, le contraire, on se marie avec une femme, celle-ci a une fille, cette fille nous est rendue interdite au mariage à partir du moment où il y a eu un rapport avec la mère. Par exemple, quelqu'un s'est marié avec une femme, elle a une fille, il l'a divorcée avant de la toucher, pour une raison quelconque. Ben, il lui est permis par la suite de se marier avec sa fille. D'accord? Il lui est permis par la suite de se marier avec sa fille. Par contre, s'il a eu un rapport avec cette femme-là, après sa fille lui devient interdite, ça devient une mahram jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il peut rester isolé avec elle, il peut voyager avec elle, et il ne se marie pas avec elle, il peut même la toucher s'il y a un besoin quelconque. D'accord? Cela lui est permis. La différence qu'il y a entre la mère et la fille. La fille, on se marie avec elle, la mère devient interdite aussitôt. La mère, on se met avec elle, la fille devient interdite que s'il y a eu un rapport avec la mère, après le contrat de mariage. ثم قال كذلك وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم et les filles qui sont mariées avec vos fils. D'accord? C'est-à-dire les belles-filles également, on appelle ça en français une belle-fille. La femme de ton fils devient interdite. Tout comme le mari de la fille, pour la mère, comme on dit précédemment, il devient interdit. Inna Allah kana afur rahim. Et que Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et il dit wal muhsanat min an-nisa allati illa ma malakat aymanukum. Et maintenant, parmi les femmes chastes, hormis ce que vos droites possèdent, c'est-à-dire vos esclaves. C'est-à-dire que la femme chaste, déjà mariée, nous est interdite tant qu'elle est mariée. D'accord? Tant qu'elle est mariée. Après, si demain elle est amenée à divorcer ou à perdre son mari, il devient permis de se marier avec elle. Donc elle, c'est temporairement. وهكذا. ثم قال في السؤال الثلاثين وثلاثمائة وألف 1330e question. هل يجوز بيع الكلب qui permet de vendre le chien. Cela n'est pas permis également. Et l'argent que l'on en tire, c'est un argent qui est illicite. Comme dans le hadith d'Abu Mas'ud, Allah dit l'anou, قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم interdit le prix du chien ainsi que la paye, le salaire de la prostituée et ainsi que le salaire du devin, du médium, de l'astrologue comme il l'appelle. Les gens qui prétendent connaître la science de l'invisible. ثم قال في السؤال 31 و300 بعد 1000 1332 question. Ma hukm iktina al kalb. Qu'en est-il de posséder un chien? Non, c'est même plus l'acheter, c'est le posséder. Cela n'est pas permis, hormis s'il s'agit d'un chien de chasse ou un chien berger. D'accord? Un chien de berger. Et également un chien de garde. D'accord? Comme dans le Tayyib. ثم قال في السؤال الثاني والثلاثين والثلاثمائة وبعد ألف 1332 question. ما عقوبة من اقتنى كلبا غير كلب الصيد والماشية؟ Maintenant, qu'en est-il de celui qui s'oppose à cela, qui possède un chien autre que les chiens cités précédemment? D'accord? Donc lui, dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع إن انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. Que celui qui possède un chien autre qu'un chien de berger, c'est-à-dire un chien de garde en même temps, un chien de chasse, et un chien de zar, c'est-à-dire qui suit vers les surveille des champs, c'est également un chien de garde. Chaque jour, il perdra une montagne de hasanat. Chaque jour. Onzoro, regardez la, ce qu'il en est. Des gens se demandent, est-ce qu'on arrive à avoir une montagne de récompenses par jour? On ne sait pas. On ne sait pas, ça se trouve, on n'a pas atteint ce niveau-là. Et pourtant, celui qui a un chien, il la perd. Donc, que lui reste-t-il à la suite? En persistant en cela, en faisant cela. Car on voit des moussins qui ont des chiens. Ils ont des chiens chez eux, normal, ils les éduquent comme leurs enfants, et pourtant cela n'est pas permis. Et le chien, il y a un khilaf, c'est une impureté complète. D'autres disent qu'il s'agit que de sa bave. Et d'autres disent qu'il est pur. C'est une divergence qui existe. Quoi qu'il en soit, c'est un animal qui est sale. Et en plus, le chien empêche les anges de la miséricorde de rentrer chez nous. Comme dans le hadith, « La yatrulu malaikatu baytan fi kalb wa sura » que les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une image figurée. Wallahi azbillah. Hada. Fanak libya d'accord de l'yom. Walhamdulillah bil alamin.